Non, je comprends. Tu soulèves des Ben bons là, points quand on est même. conditionné, David, à être idiot, là, à être naïf, puis à croire n'importe quoi. C'est ça, Vraiment mais... n'importe quoi, tellement que c'en est enrageant. C'est vraiment enrageant. On se fait faire la leçon sur l'empreinte carbone par des milliardaires qui se promènent en jet privé. Christ, ça va faire. Ça va faire. Ces gens-là, ils n'ont aucune crédibilité, aucune. C'est pour ça qu'ils s'imposent. C'est pour ça que c'est dans le secret. Parce que le monde, il accepterait jamais ça. Il accepterait jamais ça. C'est pas intelligent. C'est pas intelligent. T'as Emmanuel Macron, il est allé dire, oh, je crois pas au modèle ami. Je ta gueule, va te cacher. T'es qui, toi? Pour qui tu te prends? Oh, je crois pas au modèle que ça a marché pendant des millénaires. Puis après, on apprend que sa femme, elle voulait faire reconstruire Notre-Dame de Paris avec comme flèche sur la cathédrale une grosse verge bleue avec des gosses en or. Ils sortent d'où? On nous impose du monde que finalement, ils sont fous, c'est de la folie, c'est des malades mentaux. Puis j'ai pas peur de le dire, ils sélectionnent exprès du monde qui ont des pathologies mentales parce qu'ils ont des pour que il y a juste du monde pathologique qui vont accepter d'appliquer des affaires de même.